Autour d'une tiare de Émile Gébard. Quelques mots d'histoire. Il y a peu d'années, me promenant à Rome, le long des vieux murs entre la porte de Saint-Sébastien et la porte de Saint-Paul, j'aperçus au loin un écusson pontifical en marbre blanc qui se détachait sur le fond rougeâtre des briques. La tiare, surmontant les deux clés entrecroisées, avait un relief si fort qu'un enfant y eût facilement introduit sa tête. Or, des abeilles y édifiaient un rayon de miel. Elles volaient tout autour de la coiffure sacrée avec un bourdonnement très doux. La rencontre était singulière, mais je fus tout à fait charmée par le caprice des naïves travailleuses lorsque, m'étant approchée du rempart, je reconnus sur l'écusson le bœuf des Borgia et l'inscription « Alexander VI, Pontifices Optimus Maximus ». Du miel dans cette tiare terrible, c'était une fantaisie historique d'un symbolisme bien touchant. J'ai souvent songé depuis à cette petite aventure, et je ne jurerais point qu'elle ne soit pas pour beaucoup dans l'invention de ce roman, ou tout au moins de son titre. J'ai tenté de mêler un conte d'amour ingénu aux terreurs du règne de Grégoire VII et d'entourer d'une chanson d'abeilles la tiare du pape de Canossa. Mais je dois quelques éclaircissements très simples au lecteur, à qui l'histoire de la papauté au Moyen-Âge ne serait point familière et que l'image étonnante de ce temps pourrait désorienter dès les premières pages du livre. La papauté, à partir de la donation carolingienne jusqu'à la fin du grand schisme, vers le temps de Pie II, eut une difficulté inouïe à se tenir debout, comme puissance temporelle, à Rome, dans l'état ecclésiastique et en Italie. Les papes n'ont été vraiment les maîtres de leur ville et les princes absolus du domaine de l'Église qu'à la fin du XVe siècle avec Sixte IV et Alexandre VI. Jusque-là, ils ont été contestés, tourmentés, dépossédés, exilés, parfois mis à mort par une émeute populaire ou par une révolution religieuse portant un antipape sur le siège du pape légitime. Il est très curieux de voir dans le cartulaire de l'Université de Paris 9 pièces sur 10 émanant de la chancellerie pontificale qui sont datées d'une ville italienne autre que Rome. Il est plus curieux encore de reconnaître que cette faiblesse politique du Saint-Siège n'enleva en général presque rien à la formidable puissance spirituelle du pontificat romain. Quand le pape parlait au nom de Dieu, il était très fort. Quand il prétendait faire la police de sa métropole, mettre quelques barons à la raison, imposer sa volonté aux magistrats du Capitole ou limiter les pouvoirs des représentants de l'Empire tels que le podestat, il tombait dans l'extrême misère. Les papes qui ont tenté d'être chez eux les maîtres au temporel, tels qu'Innocent III et Boniface VIII, n'ont réussi qu'en faisant couler dans les rues de Rome ou dans les villes de la suzeraineté ecclésiastique des flots de sang. Voyons les raisons de cette crise, si longue et si douloureuse, particulièrement à l'époque qui sert d'assiette historique à ce roman, la seconde moitié du XIe siècle et le pontificat de Grégoire VII. Le Moyen-Âge avait fait un beau rêve. Il avait cru que le gouvernement de Dieu lui-même serait pour le monde une condition de paix et de bonheur. Il avait délégué aux deux vicaires de Dieu, le pape et l'empereur, la primauté religieuse et les politiques sur la chrétienté. Théoriquement, cette vue mystique était admirable. Dante l'exprime ainsi dans son traité de la monarchie. Le genre humain a deux maîtres, le souverain pontife qui, selon la révélation, le mène à la vie éternelle, et l'empereur qui, selon la doctrine des philosophes, le mène à la félicité temporelle. Malheureusement, en fait, l'accord des deux grands pasteurs était presque impossible. Un pape et un empereur également saints n'eussent conduit en paix le troupeau chrétien qu'en se faisant l'un à l'autre de bien larges concessions. Mais les saints ont été rares, alors sur la chaire apostolique, plus rares encore à la tête de l'Empire. Les deux vicaires de Dieu étaient condamnés à se heurter sans cesse sur les parties de leur domaine qui leur furent communes. L'empereur adresse des encycliques au nom de la Sainte Trinité aux évêques, aux abbés, aux clergés et aux fidèles. Jusqu'au milieu du XIe siècle, c'est lui qui nomme les papes ou les confirme dans leur élection par le clergé et le peuple de Rome. Il les dépose en vertu de la même autorité et les jette au fond d'un cloître. Il convoque et préside des conciles. Il crée des antipapes. Il soulève l'Église germanique contre l'Église romaine. Enfin, il est toujours le roi des Romains, non seulement d'une façon idéale et traditionnelle, mais réellement. Il n'est même tout à fait empereur que le jour où il reçoit à Rome, sur le tombeau des apôtres, de la main du pontife la couronne fermée. En général aussi, il est roi d'Italie et prend à Milan la couronne de fer. Ainsi, empiètement ou confusion perpétuelle des pouvoirs par le fait de l'empereur. Du côté du pape, les raisons de conflit ne sont pas moins visibles. C'est surtout du régime féodal que viennent ici les causes de querelle. À Rome d'abord, dans les régions qui relèvent de l'autorité pontificale, le pape est le chef féodal. Il a droit à la fidélité, au service militaire, à l'obéissance de ses comtes et de ses barons. Mais l'empereur, roi des Romains, a les mêmes prétentions. De là, à Rome, la guerre civile. Puis dans tout le reste de la chrétienté, le pape est le maître spirituel de tous les évêques et de tous les abbés soumis d'autre part aux obligations féodales envers l'empereur ou les autres souverains temporels. Comme évêque suprême, il peut imposer aux comtes et barons ecclésiastiques sa volonté, les enlever à l'obédience laïque, les rappeler à lui, les déposer. Et comme en même temps, il peut déposer l'empereur et les princes, frapper d'interdit l'empire, les royaumes et les cités, délier les sujets du serment de fidélité, il ébranle, quand il lui plaît, la pyramide féodale tout entière, de la base au sommet, où se tient l'empereur. Au temps de Grégoire VII, le conflit passa à l'état aigu. Il s'agit alors d'un droit essentiel de la suzeraineté. L'investiture à la fois du domaine temporel, attaché aux dignités épiscopales et abbatiales, et de la crosse et de l'anneau, symbole de l'autorité spirituelle. Sous les Othons, les papes, choisis dans la noblesse romaine, très dociles à l'empire, avaient laissé l'empereur envahir à son gré le domaine spirituel et délivrer la crosse et l'anneau. Grégoire VII réclama pour le Saint-Siège le droit à l'investiture entière. L'empereur Henri IV, jeune, médiocrement estimé de son peuple et de ses vassaux, lui parut un adversaire facile à terrasser. La guerre qu'il alluma et dont il fut la première victime dura près de 50 ans. Elle se renouvela vers le milieu du XIIIe siècle. C'est l'époque la plus triste de l'histoire de l'Église. Mais la papauté trouvait à Rome même et dans l'aristocratie romaine d'autres difficultés qui lui rendaient plus laborieux son effort contre l'Empire et Rome. Le pape avait à compter avec le Capitole, c'est-à-dire la commune, toute patricienne, qui ne ressemble en rien aux communes toutes bourgeoises que l'Italie a créées dès le milieu du XIIe siècle. Au Capitole était la force militaire. De sa tour partait le signal des émeutes populaires. Tout pape brouillé avec le Capitole était perdu. Ces grandes familles avaient usurpé et gardé, à deux reprises, au Xe et au XIe siècle, le Saint-Siège comme leur domaine propre. Les deux dynasties des papes de Tusculum avaient asservi l'Église. Entre ces deux dynasties, un pape d'âme très noble, Sylvestre II, n'avait eu d'autre ressource que de s'abriter humblement sous le manteau de l'empereur. Sylvestre était français d'origine, Grégoire VII, toscan. L'un et l'autre parurent des étrangers, hostes, aux yeux de leurs barons, qui considéraient la papauté non plus comme épiscopat universel, mais comme dignité purement romaine, fief légitime des patriciens du Latium. Et ces étrangers semblèrent d'autant plus haïssables que leur autorité mystique était plus formidable et qu'ils détenaient entre leurs mains les clés du paradis. Tout pape, brouillé avec l'Empire, voyait fatalement se lever contre lui les trois quarts de sa noblesse inféodée à l'empereur. Entre l'enclume et le marteau, il était condamné à l'écrasement. Un point d'appui très précieux pour les pontifes placés dans ces conditions difficiles, c'eût été l'Église elle-même et particulièrement le monachisme. Mais l'Église se dérobait à son chef, s'insurgeait même parfois contre lui. Un pape vertueux se brisait à la résistance de ses frères évêques ou moines qui n'entendaient pas être ramenés malgré eux à la vertu. Sous Alexandre II, le futur Grégoire VII, Hildebrand, et son ami Pierre Damien avaient essayé de purifier l'Église de Milan, dont le scandale était intolérable. Ils allèrent jusqu'à exciter contre l'archevêque et le haut clergé les patares, c'est-à-dire le bas clergé et le petit peuple. Ils ne reculèrent même pas devant un soulèvement armé de démagogie religieuse. Leur œuvre fut stérile, très vite étouffée dans le sang de ces nouveaux chrétiens évangéliques. La réforme de Cluny était alors une vraie toile de Pénélope, sans cesse reprise, jamais achevée. De grandes abbayes, telles que Farfa dans la Sabine, se changeaient tout à coup en repères de brigands. À Rome, les mauvais prêtres, au jour de trouble, se déguisaient en évêques ou en cardinaux, envahissaient les basiliques et faisaient main basse sur les offrandes des pèlerins. Je renvoie au Liber Gomorianus de Pierre Damien, les lecteurs lisant le latin et curieux d'en savoir long sur les pires misères de l'Église italienne au XIe siècle. Si l'on ajoute à tout ceci que le Moyen-Âge, si préoccupé qu'il fût de Dieu et de la vie future, n'avait aucun scrupule à l'égard des personnes sacrées, même les plus hautes, on comprendra que le héros de cette histoire, le pape Grégoire VII, ait fait sur la barque de Saint-Pierre une traversée si tragique.